Ça va tout bien? Et t'as rien pour toi? Oui, pas de problème. Ça va pas pendant 3 ans, c'est deux. Je suis pas d'humeur, ils ont le seum de notre réussite. N'écoute pas les rumeurs, chez nous ça vend la plus bonne résine, celle qui fait fureur. N'écoute pas les rumeurs. Au quartier nord, y'a la plus bonne résine, celle qui fait fureur. Ça t'attire sa mère pour des gros salaires.